Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'inimitable Louis de Funès. Je veux une police relax. Vous entendez, relax, regardez, pas pourquoi une police relax, le contrôle du physique par le moral. C'est la psychosomatique. Là, quand vous observez, restez relax. Vous observez, là, comme là, relax, quand même, relax, relax. Vous observez, là, relax, restez relax. Relax, relax, relax, restez relax. Le ton et les mimiques si uniques, si typiques également de Louis de Funès qu'on entendait dans cet extrait de Fantomas se déchaînent. Ce ton, ces mimiques vont le rendre célèbre, vont faire de lui l'un des acteurs comiques les plus appréciés de toute l'histoire du cinéma français. Les films de Louis de Funès restent aujourd'hui encore parmi les films français qui ont fait le plus d'entrées en salle dans l'Hexagone. Ici, ce n'est que très tardivement qu'il va devenir une superstar. Il a, dans la cinquantaine au moment où ça se passe, son succès sera néanmoins foudroyant. Moi, je crois toujours en la vertu des choses, des films très bien faits, des films bien faits. Et j'ai essayé avec mes amis metteurs en scène de faire des choses bien faites aussi, que ce soit en comique ou dramatique, et ça marche comme un bon plat en cuisine, qu'il est bien cuisiné, est toujours bon, je crois. Parce qu'il faut aussi dire une chose, et ceci, votre modestie vous empêche évidemment d'en le faire, c'est que tous ces films ont Louis de Funès pour interprète. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès qui a été le vôtre? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai été effrayé. C'était fantastique. J'avais été effrayé. Oui. Mais est-ce que vous avez senti cette espèce de montée de votre succès? Si vous voulez, vous me faites penser à ces bons coureurs cyclistes, vous savez, dans le Tour de France, qui participent à tous les Tours de France, qui ne sont pas des lanternes rouges, mais qui sont 24e, 25e, puis un jour, ils passent 15e ou 14e, on dit, tiens, oui, petit, c'est pas mal, et puis on croit que ça s'arrête là, puis un jour, ils sont premiers, et vous, vous êtes premier tout le temps. Est-ce que vous avez eu conscience de cette évolution progressivement? Oui, je l'ai fait un peu je l'ai obtenu involontairement, parce que ça je peux le dire, sans me flatter, j'ai toujours mis essayer de mettre le maximum de qualité dans ce que je faisais, le maximum de trouvailles, de choses. Et ça m'a occasionné cette montée insensible. Et puis alors après, quand j'étais au fait, là, ça m'a effrayé. Là. Mais je ne cherchais pas à aller là-haut, je cherchais à bien faire. Et peut-être que je tombe dans une période où il n'y a pas beaucoup de gens qui songent à bien faire aussi. Alors c'est peut-être pour ça. Enfin, je crois aussi que parce que je suis premier en Tour de France, dans ces Tours de France-là, je suis premier, parce que moi, je crois que normalement, je devrais être un bon second. Et puis, il n'y a pas de premier, j'ai cette chance-là. Sur la musique du film Les Aventures de Rabbi Jacob, une musique de Vladimir Cosma, vous entendiez Louis de Funès répondre aux questions de François Chalais à l'émission Pour le cinéma, diffusée en 1968, pour nous raconter et nous rappeler l'immense succès qu'aura Louis de Funès. Je reçois le chroniqueur cinéma Georges Privet, que vous pouvez entendre à l'émission Médium Large, que vous pouvez lire aussi, entre autres, dans la revue L'Inconvénient. Georges Privet, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle place il occupe, Louis de Funès? Avec le temps, je pense que les plus jeunes, en tout cas, ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, ceux qui nous écoutent et qui ont moins connu Louis de Funès ont probablement perdu de vue l'immense star qu'il a été. Oui, c'est difficilement imaginable aujourd'hui, mais c'était un comédien omniprésent, c'est-à-dire qu'au box-office français, chaque année, il n'occupait pas que la première place. Il tournait tellement et ses films étaient si populaires qu'il occupait souvent les 3e et 5e et 8e places, en plus de la première. La même année. La même année. Et quand ses films étaient diffusés à la télévision en même temps, on le voyait partout. La comédie française, c'était Louis de Funès, tout simplement. Et c'est un des rares acteurs qui a été aussi populaire aussi en Allemagne, en Italie, en Russie, en Pologne, Aujourd'hui encore, ses films sont rediffusés partout. Donc, c'est un succès qui est très difficile à imaginer. Et comme il le disait lui-même en entrevue, c'est un succès qu'il a jamais, auquel il n'a jamais rêvé. Il n'avait pas le physique d'un jeune premier. Son ascension a été très, très lente. Il est parti des figurations, ouais. des cinquièmes rôles, des quatrièmes rôles, des troisièmes rôles, pour se rendre au second rôle. Et il pensait faire son ambition dans la vie, c'était vraiment d'être un bon second rôle, mm-hmm. comme Carette, comme Saturnin Fabre, comme Noël Roquevert, des comédiens qui étaient des seconds couteaux, mais très populaires. Et il se disait, ça c'est bien, c'est des gens qui travaillent tout le temps. On peut faire une vie dans le cinéma comme ça. Il n'a jamais rêvé de devenir une vedette. Et quand il est devenu une vedette, ça a été l'angoisse qu'il décrit, mais aussi un succès inimaginable. Et ça reste un comédien inimitable, même s'il a souvent ouais. été imité. Exactement. Ça, c'est ce qui est fabuleux. J'ai choisi ce titre-là exprès, l'inimitable Louis de Funès. Ah, absolument. Parce que c'est probablement l'un des comédiens qu'on a le plus souvent tenté d'imiter, mais il est inimitable. Il est inimitable, même si beaucoup de gens. J'entendais l'autre jour ses fils à la télévision française dire que Christian Clavier l'imitait constamment et d'une manière honteuse. Ils étaient vraiment enragés. Ils disaient vraiment c'est du vol d'identité à ce niveau-là. La part de succès. En fait, il y a différentes choses qui expliquent le succès de Funès. Son talent immense. On va y venir dans un instant, mais son personnage aussi. Ouais. Il a ce génie. Charlie Chaplin avait fait ça fait partie de l'histoire du cinéma, des grands personnages qui marque l'histoire du cinéma. De Funès propose un personnage extraordinaire. Comment décrire ce personnage-là, Georges Prévost? Ah, je dirais le Français moyen, râleur et colérique, haineux, à la fois dictatorial et servile, louvoyant. En fait, il est devenu l'incarnation de tous les défauts qu'on associe au Français moyen. Ça explique d'ailleurs une partie de sa popularité en Allemagne. Hein. On le voyait vraiment comme le stéréotype du Français ah oui. moyen. Donc, on aimait détester les Français. On aimait détester les Français tout en se disant, tiens, finalement, les Français rient de la même chose que nous. Ouais. Et ce personnage-là, à la fois... enfin, le stéréotype, c'est le patron. Hein, oui. Je veux dire, il est chef tout le temps. Il est chef à la gendarmerie, il est chef de cuisine, il est chef d'orchestre. Et ça vient en partie, bon, il a fait mille et un boulot avant de percer. Il était pianiste. Et comme pianiste, il travaillait des heures de fou. Il ne pouvait même pas aller aux toilettes. Hein, il était vraiment attaché au piano, surveillé constamment par son patron. Et avec ce point de vue privilégié sur les patrons et les employés, voir la domination des uns et la servilité des autres, c'est clair. Ça a été une source d'inspiration pour lui. Et il a ce regard, ce sens d'observation très fin qui l'amenait à dire que des années après, il se souvenait de tel ou tel détail et il le restituait avec un sens à la fois de la caricature et une espèce de justesse humaine fondamentale qui fait que tout le monde reconnaissait quelque chose qu'on avait vu chez De Funès. Ouais. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal parce que, effectivement, peut-être que c'est qu'on se reconnaît en lui ou en tout cas qu'on reconnaît des situations qu'il illustre, mais il est profondément détestable, ce Absolument. Personnage-là. Et pourtant, on l'adore. Qu'est-ce qui fait que les Français ont tant aimé quelqu'un d'aussi détestable? Je pense qu'il nous amenait à nous réconcilier avec la part de détestable qu'il y a en chacun de nous. Ouais. Hein, c'est un archétype. Ça remonte à Polichinelle. Je veux dire, il y a quelque chose de c'est d'ailleurs particulier parce que j'ai du mal à imaginer un autre acteur dramatique ou comique qui atteint un tel niveau de célébrité en jouant des êtres profondément détestables. Mm. Même Rabbi Jacob, bon, c'est le personnage qui joue Victor Pivert, c'est l'incarnation du racisme ordinaire, c'est extraordinaire. Dans tous ses films, il est fondamentalement détestable. Et comme disait Gérard Houry, c'est peut-être le seul comédien qui puisse être détestable tout en restant sympathique. Et cette manière de, quelque part, montrer... Il y a aussi l'impossibilité de vraiment faire le mal chez De Funès. Ses plans sont toujours contrecarrés. C'est un mal inopérant. C'est un dictateur qui n'arrive pas, quelque part, à assouvir ses fins. Donc, il y a vraiment, je pense, une critique du pouvoir chez De Funès. Ça a l'air bête à dire, hein? Ça a l'air prétentieux. Mais il y a vraiment ça chez lui, parce que chez lui, le pouvoir est toujours représenté comme grandiloquent, prétentieux, inopérant et ultimement ridicule, ce qui est un geste assez anarchique. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais. Comment définir le style? Parce que c'est vraiment un style comique très particulier. Il le sait, il le dit, on l'entend tout de suite dans l'extrait qu'on va entendre. Chaque comique a son style et doit le travailler. On l'écoute en parler dans le documentaire « Une histoire du cinéma français » diffusé à Radio France en 1981. Moi, maintenant, je ne signe plus de film où je ne peux pas collaborer, comme dans La Grande Adru, au scénario, collaborer au gag. Et les discuter longuement pour que ça vienne de nous, pour que ça sorte de nous, ces gags. Parce que J'ai vu un tas d'acteurs que je ne peux pas nommer, mais qui sont montés en flèche, qui sont redescendus. Parce que on a chacun son comique, je crois. On a chacun une façon de faire rire. Moi, ceux qui m'inspirent le plus sont Laurel et Hardy. Mais j'ai eu un grand professeur qui était ma mère. Et ma mère, je crois que, comme rival, elle pouvait avoir Rému et puis c'est tout. C'était une Espagnole très volubile qui prenait des colères fantastiques, suivie d'un seul coup, elle est entrecoupée d'un rire, parce qu'il y avait quelque chose... Moi, je la faisais rire au milieu d'une colère, par exemple, elle éclatait de rire. Elle avait le sens des mots et elle était... C'est une comédienne. Vous le disiez il y a un instant, Georges Privet, un sens formidable d'observation, ce qui lui permettra de reprendre les mauvais traits de certains patrons qu'il a vus agir pour de vrai dans la vie. Sa mère, qui l'observe, Laurel et Hardy. C'est vrai que c'est un jeu, Laurel et Hardy, c'est vrai que c'est un jeu, celui de De Funès, très, très physique, qui est très proche du burlesque du cinéma muet. Absolument. Et il a d'ailleurs aussi souvent beaucoup parlé de Chaplin. Mais l'influence fondamentale là-dedans, et il en a parlé à plusieurs reprises, je pense que ça reste sa mère, Eleanor. Par-dessus tout, il disait que, bon, c'était une immigrante espagnole et que quand il était tout petit, il aimait la mettre en colère pour qu'elle le poursuive autour de la table en criant « Vite et toi ». Et la voir exploser sur commande et voir ces espèces de colère épique, comme il disait, bon, Rému à côté, c'était un amateur. Hein. Ouais. Et ça l'a profondément marqué. Et je pense aussi qu'il a tiré d'elle ce sens du regard très aigu, très aiguisé, très affûté, sensible à ce qu'il y a de ridicule chez l'être humain. Son style de jeu, par contre, ça, c'est assez... Faut dire qu'en ayant travaillé toutes ces années dans des petits rôles, il a une expérience du plateau incroyable. Mm-hmm. Il sait comment se faire remarquer. Il apprend très vite comment faire le petit geste, le petit truc qui, même si elle est à l'arrière-plan, va attirer l'attention des directeurs de casting, des réalisateurs. Et je pense qu'il tire de ça une science du vol de rôle, ouais, du vol d'écran. C'est quelqu'un, quand il entre dans une pièce, dans un plan, il s'accapare le plan. Même quand il tourne avec des gens comme Jean Marais, par exemple, qui le lui reprochera sur Fantomas. Jean Marais, sur Fantomas, en principe, c'est la vedette du film. Il s'est fait voler le film et il en était conscient. Il l'a déploré pendant le tournage et après... par De Funès. Mais c'est son côté cabotin. Le burlesque, j'y reviens, mais c'est ça, cette tradition-là. Oui, puis je pense aussi que ça tient au type de personnage, on a dit, bon, colérique, explosif. De Funès, c'est une grenade qu'on vient de dégoupiller. Alors, quand il arrive, on ne voit plus que lui. Il bouffe tout, il bouffe l'écran, il bouffe le cadre, il bouffe ses partenaires, et même des gens comme Jean Gabin, avec qui il avait tourné le Tatoué, entre autres, et qui l'a semoncé sur le plateau devant l'équipe, ne pouvait rien y faire. Ouais. Quand De Funès entre dans le cadre, on ne voit que lui. Ouais. Grâce à cette très, très longue expérience, entre autres, dont vous parliez, grâce à cet immense talent, mais... Il faut le rappeler, parce que ça fait partie de l'histoire de Louis de Funès. C'est un phénomène. Il devient superstar à 50-quelques années. Oui, absolument. Parlez-nous un petit peu de... Ça a été long, là, ce long parcours du combattant. Oui, oui, c'est très rare. Je pense que c'est sans précédent, mais c'est attribuable au fait que, bon, il a fait 36 000 métiers. Il a été comptable, il a été apprenti fourreur, il a été phalagiste. Il a un physique ingrat. Oui, il a un physique ingrat. On ne donne pas un premier rôle d'emblée à un type comme ça. Et il n'a jamais rêvé à la célébrité. Alors, ce qui l'intéressait, c'était l'idée de l'emploi régulier, et ça voulait dire acteur de soutien. Et il devient assez vite un acteur de soutien en demande parce qu'il a ce sens du petit truc qu'on fait qui fait qu'on le remarque. Mais il va tourner littéralement 100 films avant de devenir une vedette. Littéralement sans film. Et il commence à percer qu'à l'âge de 50 ans, à l'âge auquel la plupart des acteurs qui n'ont pas percé jettent l'éponge. Ouais. Et le grand déclic, en fait, arrive pour lui en 1964. Messieurs, attention, heure H, demain, 11h30. Mettez vos montres à l'heure. 16h17. Je demande un volontaire pour se mettre tout nu au milieu des nudistes. Parfait. Au hasard. Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picotit, picota, lève la queue et puis s'en va. Qu'est-ce que vous dites? Et moi, j'ai rien dit, chef. J'avais cru vous entendre parler. Ah non, je vous le jure, chef. Ah, c'est plus, j'en suis. Et puis s'en va. Ah ben ça, c'est de la triche, chef. Comment? Je disais, c'est de la triche. Oh, dites, regardez, qu'est-ce que vous disiez? Rien. Ah, j'avais cru vous entendre murmurer. Dites-moi, cette nuit, vous irez préparer le terrain, hein? Et vous aurez l'honneur d'être le premier au contact de l'ennemi. Voilà, j'espère que vos camarades vous en envient. N'est-ce pas? Trompez! Pardon, chef, peut-être que juste un petit slip. Tu quoi? Non, juste un petit slip, je disais ça histoire de... Quand il faut, hein, chef? Extrait du film Le gendarme de Saint-Tropez, réalisé par Jean Giraud en 1964. En 1964, vraiment, c'est l'explosion pour Louis de Funès, Georges Pivet. Qu'est-ce qui se passe cette année-là? C'est l'année de ses 50 ans et il tourne en quelques mois à peine, entre mai et octobre 64, trois films qui en font vraiment une vedette. Le gendarme de Saint-Tropez, Fantomas et Le Corneau. Trois immenses succès, si grands succès qu'ils auront des suites dès l'année suivante. Et à partir de là, c'est le début d'une carrière phénoménale. Il a exactement 50 ans. Et là, c'est la fin des seconds rôles et c'est le début des grandes angoisses. Parce qu'après n'avoir pas voulu du succès, quand le succès arrive, de Funès a peur de le perdre. Ouais. Il devient le grand angoissé qu'on entend dans les extraits que vous avez si bien choisis. On sent que c'est un homme pas nécessairement drôle dans la vie. Il est irrésistiblement comique à l'écran, mm-hmm. mais dans la vie, on sent qu'il est pétri de doutes, d'angoisse. Et il aura très, très peur de perdre ce succès auquel il va s'accrocher à tel point qu'il ne va pas prendre vraiment beaucoup de risques. Il aura peur de perdre le succès. Il aura peur de perdre le contrôle qu'il a aussi sur ses films, parce que le succès amène très vite un degré de contrôle que peu de gens exercent dans le cinéma français. Donc, il approuve tout, le réalisateur, l'affiche, la bande-annonce, ses partenaires. Donc, il tourne souvent avec les mêmes gens, devant et derrière la caméra. Et il s'assure un contrôle absolu au point où même des gens qui veulent tourner avec lui, comme Claude Chabrol ou Polanski, incroyable, mais vrai. Il hésitera, il aura peur. Finalement, il restera avec des faiseurs, généralement talentueux, mais quand même mm-hmm. des faiseurs, avec qui il se sent à l'aise parce qu'il contrôle tout, chaque détail de la mise en scène. Et même des grands scénaristes comme Michel Audiard, il s'en méfie. Quelqu'un amène Michel Audiard sur un film, il dit « Oui, mais là, je vais être occupé de dire ses répliques. » Tout ça. Il préfère être en contrôle de tout. Et il va finalement... on ne sait pas ce que ça aurait donné, mais ce que ça fait, c'est des séries, les gendarmes, les fantômes. Oui. Donc, il va être dans la formule gagnante. Mais on peut penser qu'au fond, le résultat final, c'est des films qui sont au-dessous de lui, de son c'est talent. Ça, c'est ça la grande ironie de Funès. C'est un talent extraordinaire, mais des films qui sont nettement en dessous du talent et ça tient au degré de contrôle maniaque qu'il voulait exercer sur les projets. Il y a Michel Lonsdal qui jouait dans un de ses films Hibernatus, un de ses meilleurs films, et il racontait que la journée où il arrive sur le tournage, il voit Édouard Molinaro, le réalisateur, devant la porte du studio avec la lumière rouge allumée. Il se dit « Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? On est en train de tourner, vous êtes dehors? » Il dit « Oui, Louis ne veut pas que je sois sur le plateau quand il tourne parce que je ne ris pas assez. » De Funès était très insécure, il fallait que les techniciens rient. Molinaro ne riait pas assez, donc il l'a tout simplement chassé du studio. Ouais. C'est une anecdote qui donne une idée du degré de contrôle qu'il exerçait sur ses films. Ce sera, on l'a dit et répété, une immense vedette du cinéma français, avec cette grande contradiction, puis ça s'explique. Il fait du cinéma populaire, il fait du cinéma de formule, il veut pas prendre de risques. Donc les films marchent énormément, mais sont boudés par la critique. Comment il va vivre ça? C'est pas ce que du mépris, Georges Pivet. Oui. Non, c'est la critique, de l'intelligence. Il vit ça comment? Ben écoutez, c'est l'époque de la nouvelle vague. Alors, c'est sûr que la critique ne fait que chanter les louanges du cinéma d'auteur. De Funès, c'est l'antithèse de ça. Il va le vivre assez mal, mais il ira même jusqu'à dire dans une entrevue que j'ai vue récemment que c'était le public qui devait écrire les critiques. Je pense qu'il a accepté de vivre avec ça. De toute façon, le succès était tel que les critiques. Ouais. Bon, ça, à un moment donné, ça devient sans importance pour quelqu'un qui a ce succès-là. Mais c'est resté quand même une blessure. Et quand il a fait L'Avare, le seul film qui l'a co-réalisé officiellement, d'après Molière, bon, là il y avait quand même une espèce de désir de s'élever un peu des films de séries anonymes qui finissaient par se ressembler. Ouais. Mais c'était quelque part trop peu, trop tard. Ouais, voilà. Puis c'est la volonté avec L'Avare, entre autres, de se donner une stature au théâtre. Il va essayer ça aussi. La critique va parfois quand même être au rendez-vous, et c'est le cas avec Les aventures de Rabbi Jacob, réalisé par Gérard Oury en 1973. Vos papiers, tout de suite! Je voyage toujours sans papier. D'ailleurs, je n'ai ni permis de conduire, ni carte grise, ni assurance, ni vignette. Comment vous appelez-vous? Victor Pivert, comme l'oiseau. C'est libre. Ça se lit de droite à gauche, comme l'arabe. Monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif. Parce qu'hier, je ne l'étais pas. Voilà. Je ne suis pas juif. Vous, monsieur le rabbin? Qu'est-ce qui explique le succès? Rabbi Jacob, les aventures de Rabbi Jacob, ce sera un succès populaire, bien sûr, hein, comme toujours, mais aussi un succès critique. Pourquoi? Pourquoi ce film-là est important dans le parcours de Louis de Funès? Ben, je pense que c'est la première fois où il prend incontestablement des grands risques. Il faut se rappeler que le film sort au moment de la guerre du Kippour. Les tensions entre les Juifs et les Arabes sont à leur paroxysme. Et d'arriver avec cette proposition-là, à ce moment-là, disons qu'on ne pouvait plus l'accuser de prendre le chemin de la facilité. Ouais. Alors, ça reste une comédie bon enfant, mais il y a quand même un message en arrière. Puis il y a aussi le fait que je pense, même la critique, à un moment donné, comme il était obligé de réaliser qu'il y avait quand même un talent brut chez cet acteur-là, qui n'était pas toujours bien canalisé dans les bons projets, mais que c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire que ce comique inimitable qui était Louis de Funès. Juste après ce tournage des aventures de Rabbi Jacob, il va être victime, Louis de Funès, d'un double infarctus, ce qui va le conduire à un deuxième souffle, un de Funès nouvelle mouture, un de Funès nouveau. Comment le décrire, ce tardif Louis de Funès? Je dirais un Louis de Funès assagi. Il n'a pas eu le choix, d'ailleurs. Va voir avec L'aile ou la cuisse. C'est ça, la zizanie, les films du dernier droit, parce qu'il n'est plus assurable. D'ailleurs, il n'y a plus un producteur qui veut le faire tourner. Il n'y a que Christian Fechner qui arrive à le faire assurer et au prix de mille et une conditions, il n'a pas le droit de tourner plus de 2 heures par jour. Il y a une ambulance qui est à l'extérieur du studio en permanence. Tout le monde sait que c'est un grand fragile. Un de ses collègues avait dit de Funès, c'est 1,63 m de nerfs et d'angoisse. Ouais. Et ses angoisses le rattrapent. Alors, il dira que, il a fait un comique longtemps de brutalité, d'exagération, de surenchère et qu'il en est fatigué. Mm-hmm. De toute façon, il ne peut plus vraiment poursuivre. Donc, il essaie de faire quelque chose de plus subtil, de plus calme, d'assagi. Et ça marche. Mais je pense que ça marche grâce à tout ce qui a précédé. Il y aura quand même une espèce de sentiment de manque, de Funès animé, survolté, imprévisible. Mais sa santé ne le lui permet tout simplement plus. Oui. Qu'est-ce qui reste, Georges Privet, s'il reste quoi que ce soit, de cette manière de faire rire dans le cinéma français? Qu'avait de Funès? Bien, beaucoup de comiques d'aujourd'hui, de Jamel Debbouze à Danny Boone, dont on parlait un petit peu avant d'entrer en onde, se revendiquent de Funès, ou en tout cas de son succès populaire, de son envie de plaire au public plutôt qu'à la critique. Et tous, ils trouvent une source d'inspiration. Qu'est-ce qui reste pour le spectateur ou pour le monde du cinéma? Je pense qu'il reste le souvenir d'un talent incroyable, pas toujours bien canalisé, mais quand même assez extraordinaire d'une condamnation, mais d'un commentaire constant sur le pouvoir, sur la veulerie, sur quelque chose, un regard sur la comédie humaine en général qui, mine de rien, est assez consistant d'un film à l'autre. Puis avec une invention comique et une force, et aussi ce sentiment qu'on a souvent chez les grands comiques comme Peter Sellers, comme Robin Williams, d'une dépense physique incroyable et que quand ils sont à l'apogée de leur force, on dirait qu'ils sont possédés par quelque chose qui nous échappe d'irrationnel, mais où on reconnaît quelque chose de juste, et lui reste le plaisir d'avoir fait rire des générations de spectateurs qui ne cessent de se renouveler et de le redécouvrir avec le même plaisir. C'est aussi près qu'on puisse venir sur Terre de l'immortalité, je pense. Parce que c'est ça, d'abord et avant tout, il nous fait rire de nos travers. Il nous fait rire encore et toujours. Humains. Et même si c'est des films qui datent d'un demi-siècle, dans la plupart des cas, on les regarde avec le même plaisir qu'il y a 50 ans. Georges Privet, chroniqueur cinéma, habitué de l'émission. Merci beaucoup, Georges. Plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'aujourd'hui. L'histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.